problématique et l'éthique m'ont dit les flics, je m'applique, j'empile les rimes et dis à cette fille que ma faille l'a sûrement mise sur un piédestal. Ma dalle de fable, je crache ma rage, ravage le mic. J'ai ressassé le proche passé, les événements qui s'étaient récemment déroulés, ce qui incessamment me faisait couler, camé, affalé, fatigué, consommé. Au début ça me calmait, après ça m'a câblé, je ne répéterai jamais assez. Le morceau a amorcé la mort de mon sensé, ou sinon les mauvaises sensations ont commencé. Force est de constater que cela n'a fait que corser, me casser. Oui, de 16 à 20 piges, je glorifie le shit, alors que c'est vers le bas qu'il me tire. Je vois que les effets positifs, mais y en a-t-il? Ma peur croître, ma sueur, mes cris, accro, ça craint. Je décris le kiff ou le négatif, c'est-à-dire agressif, peu vif, jusqu'à ce que je sorte mon canif. Créatif ou craintif, je crame mon bif. Oui, le shit me met des gifles. Je décortique, smoke éthique, sorti tout droit d'hôpital psychiatrique. L'écrit, un état d'esprit, un moment précis de sa vie. Oui, c'est pour dire qu'aujourd'hui le shit est fini. Je passe par l'enfer, puis persévère. Si, j'ai hier trop souffert pour aujourd'hui me laisser faire. À la recherche de paix, intérieure comme extérieure. Quand l'âge rime avec sage, quand l'âge calme ta rage. Sache que quoi que je fasse, le passé restera jamais gravé dans ma mémoire. Sache que l'art m'en éloigne, sache que l'art me soigne. Je rappe avec hargne ou poigne. Quand les amis deviennent ennemis, les ennemis amis. Oui, les putes qui partent quand dans ta life ça va mal. Je recule, je n'y arrive pas. Ambiance morbide, malsaine, je saigne. Des signes qui m'interpellent, écrire le plus nickel possible. Sur format 4, je vibre. Oui, écrire, décrire les péripéties de ma vie. Inscrire smoke éthique dans les lignes de la zicnic. Patrick à la petite, bâtard taille, je suis die, je réponds abs. Il profite de mon état instable, m'humilier, m'aimer de futile manière. Il traite mon bled de merde. Regarde-toi, gars, avant de parler de moi, quoi. Son estime de lui, mes sublimes poésies. Oui, ma fierté a jamais ancré sur papier. Aucun texte sur lui réalisé. Plainte portée, SPD voudrait servir de la justice pour me baiser. Ah ouais, Stéphie qui m'aguiche, m'allume, elle nie. A-t-elle déjà menti ma plume? Hein, tiens, cette pute, ma rime l'a défendu. Oui, team, je frise, frôle la folie à vie. Mais peu importe ce que disent ceux qui méritent des gifs, puisque la street kiffe ma musique. Si.